Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Très heureux de vous retrouver, chers amis auditeurs, que la grâce et la faveur du Dieu Tout-Puissant que nous invoquons soit votre partage quotidien. Merci de faire route avec nous tous les jours. En méditant ensemble, nous lisons pour ce lundi 24 février 2020, Jean chapitre 11, le verset 28 à 45. Le contexte de ce texte est connu par les lecteurs de la Bible. Jésus est appelé au chevet de son ami Lazare, malade, mais les choses s'empirent au point où Lazare meurt. Jésus y va quand même avec ses disciples et la conversation qui s'engage entre le maître et Marie par la suite et entre le maître et Marthe. Jésus y va quand même avec ses disciples et la conversation s'engage entre le maître et Marthe et Marie. La suite de cette conversation avec l'évangéliste Jean Macagnero, président de la structure appelée GSD Génération Sans Divorce, structure qui promeut le bonheur conjugal des couples et accompagne les fiancés sur le chemin des fiançailles. L'équipe de Méditons Ensemble est composée d'Alex Adombi, Pacom à la présentation. La mise en onde est assurée par Edouard Yao. Nous allons juste prier avec l'évangéliste Jean Macagnero avant de lire le texte. Bonjour évangéliste. Bonjour mon bien-aimé Adombi. Merci de prier avec l'évangéliste Jean Macagnero. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, pour cette opportunité de nous rassembler autour de ta parole. Nous voulons la comprendre. Envoie-nous ta lumière et qu'au nom de Jésus-Christ, nous saisissons ta pensée pour vivre en triomphe. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de lire avec nous, chers amis auditeurs, Jean chapitre 11, les versets 28 à 45 pour ce début de semaine. La lecture est faite dans la Bible, version français courant. Verset 28. Après avoir ainsi parlé, Marthe s'en alla, appeler sa sœur Marie et lui dit en secret. Le maître est là et il te demande de venir. Dès que Marie eut entendu ces mots, elle se leva et se hâta d'aller vers Jésus. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever et sortir en hâte, il la suivit. Il pensait qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Verset 32. Lorsque Marie arriva à l'endroit où était Jésus et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient aussi. Il en fut profondément attristé et troublé et leur demanda, « Où l'avez-vous enterré ?» Et il lui répondit, « Seigneur, viens et tu verras. » Verset 35. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que Lazare ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément attristé, se rendit au tombeau. C'était une caverne avec une pierre placée devant l'entrée. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il doit déjà sentir mauvais, car il est dans le tombeau depuis 4 jours. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après avoir dit ces mots, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Versets 44 et 45 pour mettre fin à notre lecture. Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, parmi ceux qui étaient venus chez Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Amen. Amen. « Bienvenue à Méditons Ensemble, chers amis auditeurs. Merci de suivre cette émission pour ce début de semaine. Nous vous proposons la lecture de Jean chapitre 11, les versets 28 à 45. Bonjour, évangéliste Jean-Marc Agnoro. Oui, bonjour, mon bien-aimé. Nous sommes avec l'évangéliste Jean-Marc Agnoro, président de la structure appelée GFD Génération sans divorce, avec qui nous allons méditer, réfléchir sur ce texte. Nous commençons par l'observation, notre première étape, évangéliste. De quoi parlent ces versets? Il est question dans ce texte de la résurrection de Lazare, un ami de Jésus qui est décédé des suites d'une maladie. Et ce dernier-là a été enterré, ça fait maintenant 4 jours. Mais Jésus est venu et Jésus a accompli une œuvre extraordinaire de résurrection. Donc voici un peu de quoi est-ce qu'il est question dans ce texte-là. D'accord, le texte sera observé, interprété et appliqué à nos vies. L'application se fera vers la fin de l'émission. Nous allons continuer notre observation. Est-ce que vous avez des mouvements à proposer pour les détails de l'observation? Oui, découpons le texte en 3 parties. Le verset 28 jusqu'au verset 32, nous voyons Marie et Jésus. Le verset 33 jusqu'au verset 38, émotion et réaction. Et le verset 39 jusqu'au verset 45, nous voyons la victoire sur la mort. D'accord, c'est un texte très connu, ce chapitre 11 de Jean. Oui. Les questions de la résurrection de Lazare, cet ami que Jésus aimait. Oui. Nous allons donc observer ce texte à partir des mouvements proposés par notre invité. Verset 28 à 32, premier mouvement, Marie et Jésus. Alors, Marie va à l'extérieur du village où elle rencontre Jésus, oui, qui est en partance pour le village. Effectivement, bien avant sa rencontre avec Marie, Jésus avait parlé, conversé avec la sœur de Marie, Marthe. Et Jésus avait demandé à Marthe de faire appel à Marie. Voilà, Jésus pouvait bien évidemment aller, mais il a demandé à ce que Marie se déplace. Et Jésus même n'était pas encore entré dans le village. Et après avoir reçu la commission de la part de sa sœur, Marie s'est précipitée. D'autres versions le disent, la version Semeur bien évidemment qu'il dit, elle s'est précipitée, elle a couru vers Jésus. Oui, dans la version français courant, on dit elle est partie en hâte. En hâte, voilà, pour montrer que certainement sa relation avec Jésus demeurait intacte, parce que force est de constater qu'ils avaient, quand leur frère était malade, ils avaient demandé à ce que Jésus vienne, mais il n'est pas venu. Et là, Jésus arrive après que l'enterrement soit déjà fait, et Jésus demande à ce qu'elle, elle vienne vers lui, et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée vers Jésus, et c'est là que, encore cette même phrase-là, « Le Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Voilà. Elle était consciente que si Jésus était là, quelque chose aurait pu être fait. Mm-hmm. Malheureusement, Jésus n'est pas venu jusqu'à ce que son frère décède. Oui. Voilà. Mais la réalité que nous découvrons, c'est que malgré cet état de deuil-là, son respect, son honneur pour le Seigneur est demeuré intact. Voilà. Et ça, c'est vraiment important à souligner. D'accord. Alors, évangéliste Agnoro, on va s'interroger sur un fait un peu bizarre. Oui. Jésus, en principe, va donc à Béthanie, dans la maison de deuil. Oui. Mais il n'entre pas, il est hors du village, il appelle les sœurs. C'est quand même un peu étrange. Oui, je le dis, ça peut paraître étrange, mais il y avait quelque chose dont Jésus devait s'assurer. Il devait s'assurer que sa relation avec ces sœurs-là ne s'arrêtait pas avec la mort de Lazare, leur frère. Et donc, le fait même qu'il soit hors du village et qu'il demande à ce que ces dernières la fassent mouvement, particulièrement Marie, fassent mouvement vers lui, était pour savoir à quel niveau est-ce qu'ils étaient. Mmh. Est-ce que le fait qu'ils ne soient pas venus après que les sœurs aient demandé à ce qu'ils viennent avait mis fin à leur relation? Mmh. Est-ce que l'amour que ces sœurs-là avaient pour lui était juste un amour par rapport à tout ce qu'il faisait quand il était avec eux? Et comme il n'a pas pu faire quelque chose, ou comme il ne s'est pas soumis à une de leurs demandes, c'est fini, plus de relation. Donc le mouvement de Marthe vers Jésus et de Marie vers Jésus était un témoignage que le cœur de ces sœurs-là était toujours attaché à Jésus, malgré la réalité de souffrance, de deuil, mmh, dans laquelle elles étaient. Et donc c'était important pour Jésus de savoir où est-ce qu'ils en étaient avec leur relation avec lui. D'accord, deuxième mouvement, le verset 33 38, émotions et réactions. Et là, nous voyons Jésus en face avec les émotions de Marie qui était visiblement peinée, hein, remplie de douleur par rapport à la perte de son frère. Et tout le monde pleurait. Et cette situation-là a amené Jésus aussi, la Bible dit, en la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus vraiment était ému, troublé à l'intérieur de lui-même. Donc Jésus partageait les émotions que vivait, que ressentait Marie et toutes les personnes aussi qui l'accompagnaient. Il est dit dans la parole de Dieu, pleurez avec ceux qui pleurent. Et donc Jésus partageait ces émotions-là, cette souffrance-là. Mais quelque part encore, il est dit que Jésus a demandé où est-ce que vous l'avez enterré. Et c'est là qu'il y a eu quelque chose, parce que Jésus lui-même s'est mis à pleurer. Voilà. Jésus lui-même s'est mis à pleurer et puis, déjà on dit, mais voyez comme il aimait, voilà, il est en train d'exprimer son amour. Et d'autres étaient en train de dire, non, mais attends, il aurait dû venir pour ressusciter Lazare. Pourquoi c'est maintenant où Lazare est décédé, est mort, enterré, là, il est en train de pleurer, que ce n'est pas véritablement de vraies émotions qu'il est en train de partager. Voilà, donc il y avait quand même différentes réactions par rapport à ce que Jésus ressentait et comment il l'exprimait. Mais ce que nous devons retenir dans cette portion-là, c'est que Jésus partageait les émotions de Marie, la souffrance de Marie. Et il a même montré en étant troublé à l'intérieur de lui-même et même en allant jusqu'à pleurer. D'accord. Dernier mouvement, les versets 39 à 45, victoire sur la mort. Oui, victoire sur la mort parce que nous voyons Jésus qui a demandé à ce qu'on lui montre le lieu où Lazare a été enterré. Et quand on lui a montré le lieu, il a demandé à ce que la pierre soit ôtée. Et là, Marthe a répondu, mais ça fait déjà 4 jours qu'il est là, oui. Et donc il doit sentir. Mm-hmm. Et donc, est-ce que ce serait convenable, raisonnable d'enlever la pierre? Et Jésus lui a dit, non, je t'ai dit que si tu crois, il y a des choses que tu seras à mesure de voir. Tu verras la gloire de Dieu. Et donc, on a ôté la pierre. Et c'est là que Jésus a crié d'une voix forte, après avoir prié, parce qu'il a dit à son père, moi je sais que tu m'exauces, mais je vais te parler, je vais te remercier pour ceux qui sont présents, pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Mm-hmm. Et donc il a fait une prière, il a rendu grâce à Dieu, il a remercié son père qui lui a donné autorité sur la mort. Et là il a déclaré d'une voix forte, Lazare sort. Et tout le monde a constaté que Lazare est sorti. Certes, il était lié des pieds, il était lié sur tout le corps, mais Lazare est sorti quand même. Et là Jésus a ordonné, déliez-le et laissez-le s'en aller. Donc il y avait une victoire véritable sur la mort. Voilà. Merci de suivre, méditons ensemble, chers amis auditeurs. Jean chapitre 11, la verset 28 à 45, c'est ce texte que nous abordons pour ce début de semaine. Nous sommes avec l'évangéliste Jean-Marc Agnereau. On va passer immédiatement à l'étape de l'interprétation. On va s'intéresser à ce que ce texte nous apprend sur Jésus-Christ. Oui. Et on va voir aussi s'il y a des exemples à suivre ou à ne pas suivre, et puis des vérités que nous découvrons dans ce récit. On va commencer par la question sur la nature, l'œuvre de Jésus. Alors déjà au verset 35, Jésus pleura. Ce verset nous montre que Jésus était 100% homme. Oui, il vivait dans son humanité. Et c'est cette dimension-là qui l'a amené à partager la douleur que ressentaient Marie et sa sœur. Voilà, c'est vrai que quelque part, l'incrédulité auquel il faisait face, parce que et Marie et Marthe, mais aussi tous ceux qui sont autour de lui, ne voyaient pas qu'au-delà de son humanité, il transportait une dimension divine qui lui donnait autorité sur la mort. Oui. Et donc tout ça pouvait l'amener à pleurer. Mais force est de constater que Jésus était dans son humanité. Voilà, ça, il partageait nos souffrances, il partageait nos peines, il partageait nos émotions. D'accord. Et ça, c'est très important. Une autre chose aussi qu'on apprend sur Jésus, c'est que Jésus n'est pas seulement celui qui guérit les malades. Il n'est pas seulement celui qui ouvre les yeux des aveugles, qui donne la possibilité aux muets de parler et aux sourds d'entendre. Il n'est pas seulement celui à qui obéissent les mers, les vents, les tempêtes et tout ça. Jésus est aussi celui qui a tout pouvoir sur la mort et qui est capable d'apporter la guérison, de ramener une personne de la mort à la vie. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend à partir de ce test-là de Jésus. D'accord. On va maintenant voir s'il y a des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. Deux exemples à suivre que je veux énumérer. C'est l'exemple de Marie en premier lieu, qui malgré sa peine, malgré son deuil, sa douleur, a fait le choix de répondre à l'appel de Jésus. Et ça, c'est très important parce qu'il y a certaines personnes qui, à cause des situations délicates dans lesquelles elles se trouvent, ferment leur cœur à tout ce qui est de Dieu. Voilà. Il y a une situation, j'ai perdu mon fils, ou j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon travail, et à cause de cela, je peux ne plus aller au culte, je peux ne plus méditer la parole de Dieu, parce que la douleur est tellement forte et tout ça. Mais nous voyons Marie qui, malgré qu'elle a fait appeler Jésus 4 jours avant, c'est-à-dire pendant que son frère était encore vivant. Mmh. Et elle était consciente que si Jésus est là, son frère n'allait pas mourir. Parce qu'il suffisait d'une seule parole pour que son frère revienne à la vie. Ça, elle le croyait profondément. Et ce Jésus-là n'est pas arrivé. Donc, elle pouvait être en froid vis-à-vis de Jésus par rapport au fait qu'il n'est pas venu à temps et que son frère est décédé. Mais non, malgré sa douleur, malgré le fait que Jésus ne soit pas venu au moment où elle le désirait, elle a répondu à l'appel quand Jésus était présent. Et ça, je pense que c'est véritablement un exemple à suivre. Le deuxième, c'est l'exemple de Jésus. Il n'a pas été indifférent face aux difficultés, à la douleur que vivaient Marie et sa sœur. Il a partagé ses émotions. Il vivait à l'intérieur de lui ce que Marie vivait et il compatissait. Et en plus de cela, il manifestait même sa compassion de manière visible. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, qui est un exemple à suivre parce qu'on ne peut pas avoir un impact dans la vie d'une personne si on ne partage pas ce que cette personne-là vit, si on est distant vis-à-vis de cette personne, s'il n'y a aucune manifestation de compassion, il y a une possibilité de manifestation de miracle aussi. D'accord, on va s'intéresser maintenant aux vérités avant de conclure cette mission, quelles sont les vérités que nous découvrons dans ce beau récit? La première vérité que je veux souligner, c'est qu'il y a toujours une autre dimension de Dieu que nous ne connaissons pas et qu'il est important de découvrir. Nous voyons Marie et sa sœur. Marie a appelé le Seigneur maître. Elle connaissait cette dimension d'enseignant, de rabbi de Jésus. Marie, elle a appelé Jésus mon Seigneur. Elle connaissait cette dimension d'autorité du Seigneur qui est capable de guérir, de libérer. Elle a dit, même si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Donc, elle connaissait cette dimension de Jésus qui guérit les malades. Mais l'autre dimension de Jésus qui ressuscite les morts, cette dimension-là, elle ne la connaissait pas. Donc, je veux dire qu'il y a une autre dimension de Dieu qui reste à découvrir, peu importe la connaissance que nous avons de Dieu, il y a une autre dimension qui nous manque. Et ça, nous devons être disposés et assez humbles pour l'accepter et nous disposer à recevoir cette nouvelle connaissance de Dieu-là. La deuxième vérité que je veux souligner, c'est qu'il est important de ne laisser aucune douleur nous empêcher d'aller vers le Seigneur. C'est ce que Marie a fait. Elle n'a pas laissé sa douleur l'éloigner de Dieu et l'empêcher de voir une autre dimension de Dieu. Je pense que ça, c'est très important. On ne doit laisser aucune douleur nous empêcher d'être plus intime de Dieu, de répondre à son appel et d'être présent quand il veut que nous soyons présents. La troisième vérité, c'est que l'autre dimension de Dieu que nous sommes appelés à connaître, que nous n'avons pas et qu'il importe que nous connaissions, cette autre dimension-là, elle nous est manifestée parfois à partir d'épreuves, à partir de douleurs, à partir de difficultés. C'est à partir de la mort de Lazare que Marthe et Marie ont découvert cette autre dimension de Dieu qu'est la dimension de la résurrection. À partir de là, leur foi va grimper à un autre niveau parce qu'elles ont découvert une autre image, une autre révélation du Seigneur. Et parfois, cela vient à partir des douleurs, à partir des difficultés. Tu peux demander par exemple à un de tes oncles de te donner de l'argent pour faire ton commerce. Malheureusement, cet oncle-là, il te fait la promesse et puis en dernier lieu, il te double. Mais cette situation qui est douloureuse te permettra de connaître la capacité de Dieu à pourvoir à tes besoins. Et ça va t'amener dans une autre dimension de foi parce que tu vas apprendre à compter sur Dieu et non à compter sur les hommes. Donc parfois, les situations difficiles, compliquées, où nous avons prié, jeûné et tout ça, mais on ne voit rien. En fait, Dieu est en train de nous amener à avoir une autre révélation de lui-même. Et ça, c'est très important. Je vais terminer au chapitre des vérités en disant que notre responsabilité face à toutes sortes d'épreuves, face à toutes sortes de défis, c'est de croire. Et celui de Dieu, c'est de manifester, c'est de faire venir sa gloire. Donc, il n'y a que la foi qui attire et qui ouvre nos yeux sur la gloire de Dieu. Donc, Dieu peut venir trop tard, mais il ne sera jamais en retard en vérité. Parce que l'heure de Dieu est l'heure idéale pour nous donner de connaître quelque chose d'extraordinaire. Il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Notre responsabilité, c'est de croire. C'est pas hier, c'est de croire aujourd'hui. J'ai cru hier, je n'ai rien vu. Ma responsabilité, c'est de croire encore aujourd'hui. C'est pourquoi il a conjugué croire au présent. Il a dit, si tu crois, ta responsabilité, c'est qu'aujourd'hui, tu crois. Tu n'as pas reçu. Demain matin, quand tu te réveilles, tu crois encore. Aussi longtemps que c'est aujourd'hui, il faut croire. Et parce que tu crois, tu verras. C'est-à-dire, tu rencontreras la gloire de Dieu dans ton futur. Voilà. D'accord. Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en marche. Merci à ceux qui suivent cette émission depuis le début. Nous arrivons maintenant à l'étape de la conclusion avec les applications. Nous allons donc céder une dernière fois le micro à l'évangéliste Jean-Marc Agnero pour ce beau texte de Jean 11, le verset 28 à 45. Qu'est-ce qu'on retient comme enseignement? Nous sommes dans un test ou dans une situation dans laquelle il y a douleur, il y a souffrance, il y a larmes. Alors je me sens attiré à parler à un couple qui passe par une situation compliquée. Un couple, j'ai envie de dire, qui est mort parce que divorce étant prononcé ou qui vit dans une situation compliquée. Je me sens attiré à parler aussi à une personne qui vient de perdre son travail et qui voit autour de lui sa femme et ses enfants vraiment une situation compliquée. Le cœur, malgré ses prières, il a vu que rien n'a changé, la situation est devenue compliquée. Je veux dire à cette personne-là que ce n'est pas encore fini. Cette situation-là est un tremplin pour toi pour voir une autre dimension de Dieu. Alors je veux t'exhorter à ne pas baisser les bras. Même si ton mariage est mort, le divorce a été prononcé. Je vais te dire une chose, c'est qu'un juge n'a pas reçu autorité de défaire une alliance sacrée qu'on appelle le mariage. C'est pourquoi, même si ton mariage est mort et puis il est enterré, je viens te dire, si tu m'entends ce matin, que c'est possible pour toi d'expérimenter une autre dimension de Dieu. Dieu ne guérit pas seulement les malades. Il restaure, il guérit les mariages qui sont morts. Il libère les mariages qui sont enterrés. Il ressuscite les destinées enterrées. Alors, je suis venu te dire, tu n'as pas le droit de désespérer. Si tu médites avec nous ce matin, il faut savoir que Dieu est en train de t'appeler. Viens vers lui, apporte-lui ce mariage, apporte-lui ce divorce-là. Tu vas voir comment il va restaurer ton mariage. Apporte-lui ce chômage-là. Tu vas voir comment il va te donner du travail. Apporte-lui cette vie que tu crois être morte, ta vie spirituelle. Dieu va la restaurer. Il y aura une résurrection. Et c'est pour cela même que je vais prier, parce que nous allons terminer cette méditation par la prière, pour que tout ce qui est mort dans ta vie revienne, parce que c'est ça aussi la dimension de ce Jésus que nous adorons, que nous servons. Alors, j'aimerais juste que tu tendes ta main vers le poste récepteur, ta radio, et je vais prier. Père, maintenant même, au nom de Jésus, de la même manière qu'après avoir crié d'une voix forte, Lazare est sorti, je prie maintenant que tout mariage qui était mort, c'est-à-dire le couple est séparé, le divorce est prononcé, je crie maintenant qu'il y ait une guérison de ce mariage. Je prie maintenant qu'une personne qui avait tout perdu, Seigneur, soit rappelée dans son service. Au nom de Jésus, Père, je prie maintenant qu'une personne qui était dans une situation morte revienne à la vie. Peu importe la situation que quelqu'un transporte, que cette situation-là, Seigneur, revienne à la vie. Montre-lui que ton nom appelle la vie et que la vie s'installe dans cette famille, dans ce couple, dans la vie de cet homme par rapport à son travail, son entreprise qui est tombée. Ressuscite dans le nom de Jésus cette église qui est en train de passer par une situation de mort. Ressuscite la vie spirituelle de ce frère, de cette sœur, de ce pasteur au nom suprême de Jésus-Christ, parce que c'est ce que tu es. Tu n'es pas seulement le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui ressuscite ce qui est mort. Nous t'avons apporté nos entreprises, nos vies, nos familles, nos couples, nos mariages, nos enfants. Amène-les à la résurrection. Au nom suprême de Jésus, c'est fait. Amen. Amen. Avec Dieu, rien n'arrive trop tard. C'est le titre de la note explicative au texte de Jean 11, versets 28 à 45, à lire à la page 29 et 30 dans le lecteur de la Bible. Merci d'avoir suivi Méditons ensemble. Pour ce lundi 24 février 2020, nous étions en compagnie de l'évangéliste Jean-Marc Agnero, président de GSD, Génération sans divorce, rupture qui promeut le bonheur conjugal des couples et accompagne les fiancés sur le chemin des fiançailles. Demain, nous serons toujours en compagnie de l'évangéliste Jean-Marc Agnero pour continuer la lecture de Jean 11. Nous lirons à cet effet les versets 46 à 57. Edouard Yahou a mis en nom cette émission. On se retrouve demain. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.